Régional au microphone Danny Veilleux. Donc, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant du hockey senior. On sait que la nouvelle ligue du lac au fleuve va ouvrir ses portes le 13 octobre prochain. Hier, dans la section entrevue de tendancesport.com, on a parlé avec Gino Gagnon, qui est l'instructeur chef de la nouvelle formation de Jonquière. Et Gino Gagnon mentionne que présentement, l'organisation est en discussion pour un commanditaire majeur et il ne veut pas dévoiler le nom. Présent, Danny, je vais être très transparent avec toi. Là, on est en négociation très sérieuse avec un commanditaire. Malheureusement, il n'y a rien de réglé. Ça fait qu'on ne peut pas commencer à dire le nom parce que je vais laisser ça à Bob de le faire parce que c'est lui qui s'occupe de ça. Fait que tant et aussi longtemps que la commandite n'est pas réglée, que c'est pas signé, je n'aime autant pas m'avancer par respect pour eux autres et par respect pour mon commissaire. Ben oui. Mais c'est certain que du côté de moi, parce que moi je vais surtout m'occuper du côté hockey. Okay. On sait qu'on veut notre identité dans cette ligue senior-là et Gino Gagnon mentionne que oui, il y aura des bagarres, mais les joueurs devront être capables également de jouer au hockey. Je vais lancer une invitation aux joueurs. Okay. C'est certain que Gino Gagnon, à partir, comme je t'ai dit, je vais quand même aller voir, je vais aller tâter le terrain pour voir combien on va en avoir. Mais j'aime autant pas mettre de chiffres, je me crée pas d'attente, parce que je peux être déçu, tu comprends? Ouais. Fait que s'il y a plus de joueurs, c'est sûr que j'ai une attente. Je pense que je l'avais dit à Michel Thibault au 92.5, je m'attendais entre 20 et 30 joueurs. Okay. Si j'en ai 35, bravo, on a fait la job. Mais je peux te dire que présentement, tu parlais d'enthousiasme tantôt, sur les médias sociaux, je vois un petit peu d'engouement, puis je m'attends à voir des joueurs au camp d'entraînement, là. OK. Écoute, mais malheureusement, je peux pas te donner de chiffres. Je pourrais peut-être te donner un chiffre la semaine prochaine, parce que je vais commencer à rencontrer les gars, mais c'est embêtant de donner des chiffres. On se crée des attentes, des fois on est déçus. Ça fait parler les gens aussi, tu sais, veut dire, dans ce dernier temps, Gino Gagnon ne veut pas se fixer un nombre de joueurs qui pourraient être invités au camp d'entraînement. J'ai la chance de connaître beaucoup d'hockey mineurs. Fait que, du côté, c'est sûr qu'on va s'informer aux gens aussi qui l'ont fait. Parce que quand je fais du dépistage comme ça, je prends beaucoup d'informations. Puis j'ai la chance aussi, mon commissaire est proche. Ouais. Mon commissaire, c'est certain que je vais être transparent avec tout le monde. Là. Si je lui pose pas une question, coudon, Bob, t'avais un tel, comment il était, là? Je cherche un petit peu d'un coup pour m'en servir. Mm. Fait que du côté du dépistage, je suis vraiment pas inquiète. Je peux me servir aussi de mes connaissances au niveau du hockey. Je connais beaucoup de gens là, au niveau de la région là, pour m'aider au niveau du dépistage. Puis j'ai la chance aussi, il faut le dire, j'ai la chance de diriger mon fils. Ouais. Mon fils a joué junior. Mon fils joue dans la Ligue. Et on sait qu'on va parler du complexe sportif du secteur de Dolbeau. Hier, la Ville a fait savoir qu'ils avaient mandaté une firme spécialisée pour récolter un montant de 2 millions de dollars qui va servir à aider à la campagne de financement pour bâtir le nouveau complexe aquatique. On sait que le complexe aquatique est d'une valeur de 13,2 millions. Les deux pays de gouvernement, que ce soit fédéral et provincial, ont promis 4,4 millions et la MRC Maria Chaudelaine va donner 1 million de dollars et la ville va payer une portion également en fonction de l'argent qui sera récolté lors de cette campagne de financement. On a bon espoir du côté de la ville de trouver les sommes qu'il manque pour ce projet. Maintenant, deux transactions chez les Saguenay de Chicoutimi hier. Les Saguenay de Chicoutimi qui ont acquis le gardien de but Zachary Boutillier. Des cataractes de Shawinigan. C'est dans un tour le choix de deuxième ronde en 2018 et de quatrième ronde au repêcheur de 2020. Boutillier pourrait aider l'équipe puisque le gardien de but François Cardinal a quitté l'équipe au cours des derniers jours. L'an dernier, le gardien de but natif qui a gardé les buts pour les cataractes de Shawinigan a conservé une moyenne de 3,09, un pourcentage d'arrêt de 889, tout en ayant une fiche de 11 victoires et 6 défaites. Et autre transaction chez les Sags, les Saguenayens qui ont cédé le défenseur Nathan Larose au Sea Dogs de St. John, obtenant retour des choix de 2e, 3e et 6e ronde au repêchage de 2020. Maintenant, on va parler du marathon des deux rives. On sait qu'il y a des athlètes du secteur qui sont en action là-bas. Et Éric Simard, dans la catégorie 45-49 ans, a pris le 417e rang, et ce qui l'a placé au 342e chez les hommes. Invité avec ta section entrevue de danadiosport.com. Hier, on a parlé avec Mario Hudon et Frédéric Degg de la presse canadienne, où on parle du retour des expos, du retour possible. Également, je me suis entretenu aussi avec Gino Gagnon, l'instructeur de la nouvelle équipe senior. Le sport local et régional, à danadiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.